Bonjour à vous, les curieux et les curieuses de Touraine et d'ailleurs. Le fureteur professionnel vous retrouve aujourd'hui en pleine forme. Et comme tous les lundis jusqu'à ce que le soleil nous tombe sur la tête, abreuvez-vous de connaissances par les oreilles. Sortez vos bottes, vos loupes et vos boussoles, c'est parti pour l'aventure. Sujet délicat que je vais aborder à ce jour, l'esclavage. Ne me rôtissez pas trop vite les miches sur la place publique de Rouen avec Jeanne d'Arc. Pour commencer en douceur, définissons l'esclavage. L'esclavage est le fait pour un groupe social d'être soumis à un régime économique et politique qui le prive de toute liberté, le contraint à exercer les fonctions économiques les plus pénibles sans aucune contrepartie que le logement et la nourriture. Cela peut être aussi un état, la condition de ceux qui sont sous une domination tyrannique, une servitude. S'il y avait le prix de l'esclave le plus connu du monde depuis la naissance du Christ, Épictète prendrait sans aucun souci la première place. Formé à la philosophie lors de sa vie d'esclave à Rome, il fut l'une des figures du stoïcisme, disant notamment que la liberté, c'est l'indépendance de la pensée. Gros avertissement avant de rentrer dans le vif du sujet. Tous les peuples du monde de tout temps ont été à la fois esclaves et esclavagistes. On se constitue un empire qu'en s'étendant chez le voisin, et non pas en pariant un lopin de terre au Monopoly. Hein, on met pas des péripatéticiennes dans ses hôtels, les amis. On devenait esclave à cause de ses dettes, on devenait esclave en tant que prisonnier de guerre, on devenait esclave à la suite d'un acte de piraterie, on devenait esclave par déchéance civique, on devenait esclave par traîtrise, on devenait esclave en raison d'une mauvaise conduite ou on devenait esclave encore en étant enfant d'esclave. L'esclavage de type colonial apparaît au milieu du 15e siècle, lorsque les Portugais capturent ou achètent des captifs africains pour les déporter vers les colonies de Madère et du Cap-Vert à l'imitation du système déjà en place dans l'Empire ottoman. L'esclave, sous sa forme originelle, révèle son nom de fait assez surprenant, et c'est ce qu'on va voir dans cette première partie. Les travaux d'Hervé Ruculo nous révèlent que l'esclavage est né lors de la révolution néolithique, avec l'invention de l'agriculture et la sédentarisation des hommes. La course au progrès technique, pour nourrir de plus en plus de gens, et la hausse de la violence entre communautés, a provoqué une généralisation de l'esclavage économique pour avoir des bras en plus, et c'est une forme de domination sur les vaincus. Basculons au cœur de l'Empire byzantin du 6e siècle après Jésus-Christ, survenant après la chute de l'Empire romain en 476, par Attila le 1. Georges Sidéris, historien à la Sorbonne, a expliqué le cas particulier des eunuques. Je suis un eunuque, perse. Mais qu'est-ce que ça veut dire, eunuque? Vous connaissez le chapon? Ah ouais, c'est bon ça, ça a de la saveur. Bah moi c'est pareil. Vous avez de la saveur? Mais non! Non mec, je vous ai dit, moi ça fait des années que je suis plus rien. Qui étaient toutes et tous des anciens esclaves du palais affranchis, car la castration était interdite dans l'Empire. Leur particularité les rendait désirables et onéreux, car purs, sans désir sexuel, cultivés. Ils savaient lire, écrire et compter en plusieurs langues. Un grand privilège leur était accordé, toucher le corps de l'impératrice. Ils étaient liés à vie à l'empereur, même affranchis comme domestiques, mais pouvaient aussi devenir spater, soldats, et conseillers du souverain, et certains étaient même plus riches que les généraux. Partie de l'histoire très sensible du Proche et Moyen-Orient, la traite des Noirs d'Afrique par le monde arabo-musulman pendant plus de 11 siècles, où la seule façon d'échapper à l'esclavage était la conversion à l'islam. Dans l'islam, c'est une institution inscrite dans l'ordre du monde et des réalités humaines telles que voulues et créées par Allah. Les Noirs sont censés descendre de Cham, selon la table des peuples, et étaient réputés voués à être asservis par les descendants de Sem et Japhet. Selon Tidiam Ndiaye, l'expression très orientale désigne le commerce d'esclaves ayant approvisionné les espaces du Proche-Orient ancien durant l'Antiquité, puis dans le monde arabo-musulman jusqu'au XXe siècle. Malheureusement pour l'humanité, ils n'ont pas été les seuls à subir ce sort. L'approvisionnement en esclaves européens chrétiens débute avec la conquête musulmane de la péninsule ibérique. Et, en tant que nation soumise, devait subir le karaj, double capitation, et la pédomasoma, récolte des enfants. Revenons à quelque chose que nous, Français, connaissons au mieux. Le commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Avec, comme objectif, la déportation d'esclaves noirs pour approvisionner les colonies en main-d'œuvre servile. Depuis l'Europe, les navires chargés de pacotilles, étoffes, armes, objets qui brillent, se rendaient sur les côtes africaines pour acquérir les captifs. Oui, les côtes, car les colons ne rentraient pas encore dans les terres. Et c'était les peuples du continent noir lui-même qui ramenaient les natifs des clans vaincus, transformés en monnaie d'échange. Ceux-ci étaient ensuite transportés dans les colonies d'Amérique, où ils étaient échangés contre les matières premières produites dans les plantations esclavagistes. Sucre, café, cacao, coton, tabac, vendus dans les ports européens. Notamment, le transport était assez périlleux, regardez Amistad de Steven Spielberg pour vous en faire une idée. Miranda Spiller dévoile une face cachée de l'esclavage franco-français. Le statut de l'esclave à Paris au XVIIIe siècle, sur une terre libre, où l'on affranchissait plus facilement que dans les colonies les esclaves. Malgré cette place particulière sur le territoire, il y en avait, et je vous le donne en mille, dans les quartiers les plus aisés de la capitale, alors qu'une loi de 1778 interdisait l'entrée sur le territoire des personnes noires. La loi, c'est moi, et l'ordre. Ils substituaient à leurs besoins, car pas rémunérés, en volant, en participant à des trafics illicites, en vendant leurs habits et en pratiquant le sexe contre de l'argent. Changeons de continent, mais restons dans la même époque, la Corée. Grâce à Matthew Lauer, on en sait plus sur la société esclavagiste de la dynastie Joseon, où plus d'un tiers de la population totale était composée d'esclaves. Ça fait beaucoup. À la différence des occidentaux ou des orientaux, il n'y avait aucune justification raciale. La possession d'esclaves était l'un des critères de prestige des Yangban, l'élite sociale et culturelle de la dynastie Joseon, réticent à accomplir des tâches manuelles afin de ne pas nuire à sa réputation. L'esclave était membre à part entière de la société coréenne, traité comme un bien fongible et non un être humain, que l'on pouvait acheter et vendre selon les envies. Fait amusant pour les contemporains de nos jours, il y avait déjà, à l'époque, des querelles de voisinage entre propriétaires menant à des procès d'esclaves pour vol. Oui, les gens se volaient les esclaves entre eux. Enfin, encore présent récemment au Qatar, l'esclavage moderne kafala était le parrainage des travailleurs étrangers. Officiellement abolie en 2020, mais toujours en vigueur sous le manteau, la kafala stipulait que tous devaient avoir un parrain local, individu ou entreprise, et obtenir une autorisation de sa part pour changer d'emploi ou quitter le pays. Dans le pire des cas, le maître gardait le passeport et le salaire en laissant son bien dans la misère. Oui, l'esclavage c'est pas bien et il faut que ça cesse d'exister. Malheureusement, je suis pas Miss France, et notre société a substitué l'esclavage par le capitalisme, forme moderne de celui-ci. L'économiste Alessandra Mesadri a conceptualisé la non-liberté au travail en Inde avec l'industrie mondialisée du textile. Entre le travail des enfants et l'engagisme, où des personnes endettées des zones rurales pauvres quittent leur famille pour aller travailler loin de chez soi dans les conditions insalubres pour des salaires de misère et un contrat à durée déterminée, s'étendant jusqu'à 10 ans sans omettre la place catastrophique des femmes encore plus précaires car peu qualifiées et attachées à leur foyer. C'est une forme d'asservissement par l'argent, où on ne peut plus faire autre chose que ne gagner de l'argent pour vivre. J'ai envie de vous poser une question innocente. Qu'est-ce que veut dire posséder des moyens de production, les enfants? C'est acheter les conditions de travail d'un homme afin de tirer ensuite profit de son travail. Tout le travail de l'esclave reste possession du maître qui, en retour, lui donnera à manger, à boire, un toit et la sécurité. L'employé, lui, vit directement sous la dépendance de son employeur. Il faut observer que le capitalisme tend naturellement à empêcher les contestations des employés. En favorisant les grands regroupements, il conduit à niveler les conditions de travail vers le bas et même à les détériorer si cela permet des profits supplémentaires. Il préférera s'installer là où les employés seront plus concurrentiels. En Europe, on préférera aller s'installer en Roumanie et en Bulgarie car le SMIC est à moins de 400 euros par mois. L'employé peut donc partir de son entreprise, mais trouvera-t-il l'herbe plus verte ailleurs ? Il y a donc bien une sorte de chantage qui n'est plus strictement « travail pour mon humeur » mais qui s'en rapproche étrangement. Ne s'agit-il pas là de la manifestation de la marchandisation du monde, de la tendance du capitalisme à transformer toute chose en objet commercial ? Je sais pas, je pose la question là, répondez si vous voulez. L'historien David McNally va plus loin, affirmant que les esclaves constituent une classe ouvrière moderne, un prolétariat de la chose. Alors que les travailleurs salariés sont obligés de vendre leur travail pour survivre, les esclaves étaient eux-mêmes le capital. La logique de base était la même. L'extraction de la plus-value des travailleurs pour générer les profits pour des propriétaires du capital. L'idée que le capitalisme a mis fin à l'esclavage est une fantaisie. Les archives historiques montrent le contraire. Le capitalisme n'a pas vaincu l'esclavage, il l'a utilisé. Il se l'est tellement approprié qu'il existe maintenant des contrats zéro heure. Ce contrat pourri jusqu'à la moelle tient le salarié au diapason. Appelé uniquement quand le patron a besoin de lui. Seules les heures travaillées seront rémunérées. Ça n'offre aucun jour de congé maladie, aucun jour de congé maternité, aucun préavis de licenciement. Les congés payés existent, mais sont calculés uniquement au prorata des heures effectuées. Donc, si vous travaillez 10 heures par mois, vous avez pas grand-chose en congé et pas de quoi partir dans le sud. Parfois, il y a même une clause d'exclusivité qui lie le salarié à un unique employeur. C'est de la merde. Quoi ? Sire ! Non, attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. Cette bouse intersidérale, si elle se généralise en France, serait une bonne raison de tout casser. Certaines grandes firmes ou sociétés ont des origines esclavagistes. Oups, la boulette ! Ainsi, l'assureur français AXA est issu de plusieurs sociétés d'assurance, dont la plus ancienne, la compagnie d'assurance mutuelle, date de 1816. Son fondateur, Jacob Dupont, avait fait fortune à Saint-Domingue. Aux Antilles, les plus riches se retrouvent parmi les plus vieilles familles esclavagistes du passé qui ont tiré leur fortune originelle de l'exploitation des esclaves dans les plantations de canne à sucre et de distilleries de rhum. Ce sont les Becquets. Aujourd'hui, les Becquets possèdent des parts importantes dans les groupes de la grande distribution. L'exemple le plus édifiant est celui de Bernard Ayot, avec son groupe GBH, détenant des parts dans Carrefour, Monsieur Bricolage, Decathlon, Euromarché, Renault, Yves Rocher et d'autres Antillais dans le monde. Ce monopole privé pose de nombreux problèmes de prix aux Antilles, où la lutte contre la vie chère est le premier combat de nos compatriotes du continent américain. Le nouvel Eldorado des sociétés d'investissement états-uniennes et chinoises atteint son paroxysme dans leur influence sur les politiques étrangères de ces mêmes pays qui s'en prennent aux terres rares et matières premières des pays producteurs, comme par hasard. Le Venezuela, le Groenland, l'Iran, l'Irak ou le continent africain, qu'on se partage comme un quartier de clémentine en s'affranchissant du droit international. Être méchant, c'est pas bien, être gentil, c'est pas mieux, si t'es en vie et heureux, c'est pas bien, c'est pas bien. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de se gaver de calmant ? Oui ! Avez-vous besoin d'une touche de légèreté ? Oui ! C'est ce que je vais vous offrir maintenant avec la domination la plus sournoise jamais connue à ce jour, celle de nos chiens et chats de compagnie. Ne mens pas Marlène, toi qui es derrière la vitre, tu es dominé par tes chatons de compagnie. La relation avec l'animal de compagnie illustre-t-elle également l'instinct d'obtention d'une domination sur un être utile et serviable ? Oui, l'animal est en théorie votre esclave, car il a besoin de vous pour se nourrir ou se loger. Mais en plus d'être chez lui, vous êtes son esclave, car c'est lui qui décide de l'heure à laquelle vous le nourrissez. C'est lui qui décide de l'heure à laquelle vous vous couchez. C'est lui qui décide de l'heure à laquelle on se promène. C'est lui qui décide de l'endroit dans lequel on part en vacances. Pourtant, il est possible de retrouver un équilibre sain et harmonieux avec votre compagnon à quatre pattes, en adoptant les bons comportements et en mettant en place quelques astuces simples tout en renforçant votre relation à lui. Établissez des règles claires dès le début, car si vous ne posez pas de limites, il risque de prendre le dessus et d'imposer ses propres règles. La République, c'est moi ! Nourrir votre animal à heure fixe aide à structurer sa journée et à réduire les comportements de demande excessive. Et vous levez votre cul parfois ? Non ! Jouez aussi avec lui avant votre coucher. Cette activité ludique renforcera le lien avec votre animal en plus de le fatiguer. Habituez votre animal à rester seul à la maison. C'est vraiment pas gentil. Cela l'empêche de développer une dépendance excessive à votre présence et vous donne du temps pour vous. Récompensez les bons comportements avec des friandises, des caresses ou des mots encourageants. Il est important de comprendre aussi que dire non ne signifie pas que vous l'aimez pas. Au contraire, poser des limites claires contribue à son bien-être car ça lui donne des repères. Et je le dis aussi à toutes les personnes qui travaillent dans le monde du travail, dire non ne veut pas dire que vous crachez sur votre interlocuteur, mais dire non avec des arguments peut vous aider à avoir de meilleures conditions de travail. Avec l'esclavage, on ne pense plus, on agit. Parfois c'est bien, comme l'instinct de survie. On vous a déjà dit de pas manger des champignons rouges avec des points blancs, bande de cons. Dans l'écrasante majorité des cas, c'est mauvais de ne plus penser, car ne plus penser, c'est s'extraire de sa liberté de conscience et de son libre arbitre. Je vais finir avec trois citations qui vous feront penser par vous-même. La première vient du Miroir de Cassandre de Bernard Werber. C'est au nom de la liberté que les gens manifestent pour avoir le droit de rester esclaves. C'est au nom de l'amour de leur patrie ou de leur religion qu'ils tuent leurs prochains. Ils n'aiment pas ceux qui les libèrent et leur ouvrent les yeux. Ils adorent ceux qui les terrorisent et les abreuvent de mensonges. Deuxième citation de Rémy de Gourmont. Quand un peuple n'ose plus défendre sa langue, il est mûr pour l'esclavage. Et enfin, la plus marrante, de Charles Bukowski. L'esclavage n'a jamais été aboli. Il a seulement été élargi pour y inclure tout le monde. Le but de mes émissions n'est pas de vous infliger des zéros à chaque fin de programme, car vous n'aurez rien retenu, mais celui de vous ouvrir l'esprit à des sujets vastes et peu abordés au quotidien qui ne sont que des portes d'entrée à encore plus de savoir, plus de richesse d'esprit. et surtout plus d'indépendance intellectuelle bien trop précieuse dans notre monde d'aujourd'hui. Continuez de penser par vous-même, et on se retrouvera une prochaine fois sur Radioactive à 13h pour vous prouver qu'il a bel et bien existé un Internet français avant l'Internet mondialisé d'aujourd'hui. C'était Théoxérès le Furteur, à la revoyure les amigos.